jour-là n'est jamais sorti de l'ombre. Je courais comme un fou dans le matin. Pour moi, c'était vraiment la fin du monde. Pour toi, ce n'était rien. Dans le bruit des motards et des sirènes, ma voix ne passait plus. Tu étais loin. Pourtant, je te criais, reviens, je t'aime. Mais pour toi, ce n'était rien. Ce jour-là n'est jamais sorti de l'ombre. Je courais comme un fou dans le matin. Pour moi, c'était vraiment la fin du monde. Mais pour toi, ce n'était rien. J'ai voulu vivre encore, l'espoir au ventre, me raccrochant au fil du quotidien. Moi j'aurais tout donné pour te reprendre. Pour toi ce n'était rien. Ce jour-là n'est jamais sorti de l'ombre. Je courais comme un fou dans le matin. Ce n'était rien.